Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Deux jours à célébrer le bien-être intérieur et l'harmonie avec la nature, ce sont les rencontres d'écologie humaine qui vont avoir lieu les 1er et 2 juillet sur la colline de Sion. Isabelle, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Radio Fadjet. Alors ce rendez-vous est porté par l'association Jardin de la Zabel et la Cité des Paysages, c'est ça? Oui, voilà. Pour la 5e année consécutive depuis 2019, on a une convention, notre association et la Cité des Paysages, qui est donc un site du Conseil départemental 54. Et on co-organise, c'est-à-dire que l'appui du conseil départemental est phénoménal puisque c'est la logistique matérielle, électricité, les barnums et puis bien sûr tout le plan communication aussi, flyers, programmation, papier, internet, etc. Et nous, on arrive avec notre vivier de partenaires. Exactement, donc sur ces deux journées, ça commence le 1er juillet à 14h, c'est des rencontres d'écologie humaine. Est-ce que vous pourriez nous définir l'écologie humaine? En quelques mots, l'écologie humaine, c'est un concept qui n'est pas Isabelle Amour, si vous le trouvez sur Internet. Ça considère que votre corps est le premier écosystème dont il faut prendre soin, et ce par l'alimentation, des pratiques éventuellement corporelles, physiques, etc., mais aussi la connaissance de ses émotions. Enfin bref, voir votre corps comme un écosystème, ça veut dire que si tout va bien, on a beaucoup de vivants en nous, hein, des virus, des bactéries, qui normalement, quand tout va bien, font que vous êtes en bonne santé. Et puis après, bien sûr, l'écologie humaine, une fois que votre corps va bien en dedans, vous invite bien sûr à interagir avec l'extérieur. Et là, c'est tous les items de la transition écologique tels que les a définis Hopkins en 2005, c'est-à-dire bien sûr la culture, le lien avec la nature, tout ce qui est maraîchage, culture, mais aussi l'éducation, le transport, la mobilité, l'énergie, etc. Voilà. Donc ça commence déjà par ce bien-être intérieur et après vers les autres. Et lors de ces deux journées, comment ça va se traduire, s'expliquer, se développer? Il va y avoir des exposants, des ateliers. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre sur place. En fait, je vous disais, donc à la Cité des Paysages, c'est notre 5e événement, mais en fait, là, ce sera aussi le 12e qu'on organise. Donc, notre petit concept, initié en 2017, a déjà, voilà, un petit peu été expérimenté dans d'autres lieux, en co-organisation avec d'autres ateliers, et c'est toujours construit sur 5 verbes piliers: accueillir, vendre, informer, expérimenter et exposer. Alors accueillir, ben ça voilà, ça c'est nous, c'est pas juste dire bonjour, mais déjà c'est voilà, accueillir des gens qui sont souvent là que pendant un temps éphémère de 2 jours. Vendre, c'est tout ce qui est marché de producteurs locaux, créateurs et créatrices bien sûr. Informer, c'est des conférences, alors on appelle ça plutôt papotage, parce que le mot conférence est un petit peu pompeux, presque universitaire, donc là non, on est soit bien sûr dans la grande halle avec tous les moyens techniques de la Cité des Paysages, mais ça peut être aussi un petit cercle de chaises assis dans l'herbe. L'essentiel, c'est les mots partagés et les questions-réponses échangées avec les gens, puisque ça s'appelle bien des rencontres, donc ça c'est pour informer. Et puis expérimenter, et ça on y tient très très fort, c'est proposer des ateliers de pratique qui durent, là, sur ces 2 jours-là, 45 minutes, et qui sont bien sûr d'entrée libre pour que chacun puisse mettre les mains dedans. Voilà. Ou alors, si c'est des pratiques corporelles, les expérimenter un petit peu pendant 45 minutes. Par exemple, si je vous dis Qigong, vous avez peut-être entendu le mot là, mais vous ne savez pas trop. Oui. Alors voilà, et venez essayer pendant 45 minutes, et puis après, vous poserez des questions à l'animateur ou l'animatrice. Et puis, si ça vous donne envie, vous trouverez peut-être un praticien dans votre secteur. Et puis exposer, le dernier verbe est très très important aussi pour nous, c'est tout ce qui est les démarches artistiques. Et on a des performances artistiques diverses, musique, danse, mais aussi pourquoi pas photo, etc. Donc des temps de rencontre pour, et pas seulement se dire bonjour, vous l'avez dit, vraiment pour aller à la rencontre des autres et à la rencontre de ces pratiques, de ces expérimentations qui peuvent être faites sur ces deux journées. Cette année, chaque année d'ailleurs, il y a un thème qui est retenu. Cette année, c'est l'eau qui a été choisie, l'eau durable, 3 petits points. Ben oui, malheureusement, de circonstances. On est quand même en mode canicule et sécheresse depuis maintenant plusieurs années. Hein. Ça touche chacun et ça touche tout le monde, puisque déjà, l'être humain est fait d'eau, en gros 75%, mais il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est l'eau dans nos maisons. Hein. On pose des questions sur comment ça se fait qu'on utilise de l'eau potable pour les circuits tels que les toilettes ou la salle de bain, et puis bien sûr dans les jardins, qui ont beaucoup, beaucoup souffert, puisque là, nous, chez nous, ça fait quand même un mois qu'on n'avait pas eu une goutte de pluie. Nos sources sont raplapla, nos fontaines ne coulent pas, et là, on est quand même que mi-juin. Donc voilà, qu'est-ce qui nous attend en juillet-août, et puis surtout en mode durable, c'est-à-dire pas juste penser au coup par coup, cette année on va faire la préfecture demande de faire attention, d'accord, on va faire attention parce que le gouvernement dit que, mais chaque citoyen, chaque être humain doit anticiper un petit peu pour nous, puis pour plus tard, nos enfants, nos petits-enfants, on leur laisse quoi ? Voilà. C'est ça le durable. Et c'est ce qui va être développé notamment lors de ces deux journées. Vous avez évoqué un peu le programme, on ne va pas pouvoir bien sûr le lister. On peut le retrouver notamment sur le site de la Cité des Paysages, citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr. Et il y a donc tous les rendez-vous, vous avez parlé des papotages, il y a des ateliers. Et je crois que pour certains, il va peut-être falloir quand même s'inscrire pour et anticiper. Comment on organise sa visite justement ? Oh là là ! Alors, moi, j'aime bien le 50-50, c'est-à-dire organiser 50% de votre visite et puis laissez-vous porter par la multiplicité des choses qui vont être là, parce qu'en fait, on est quand même une cinquantaine d'exposants ou animateurs divers et variés. Donc, le trop contrôle, le trop tout organisé, c'est peut-être pas le plus juste pour notre équilibre à l'intérieur, quoi. C'est important aussi, vous savez, on appelle ça le lâcher prise, mais peu importe. C'est aussi, franchement, se laisser aller par quelqu'un que vous allez croiser, que vous ne connaissez pas. Franchement, faites confiance aussi aussi bien au cœur qu'à la tête, quoi. Voilà. Et sinon, donc l'inscription, elle peut être aussi via d'ailleurs notre page Facebook du Jardin de la Zabel, et elle est sur la page du site La Cité des Paysages. C'est de bien sûr, c'est gratuit. Et c'est important de signaler. Hein. Voilà, ça, absolument. Absolument, c'est entrée libre, tout public, les enfants sont les bienvenus. Mais ça permet aux animateurs de, en gros, préparer leur espace. C'est-à-dire que s'ils ont 8 personnes, ben, voilà, ils vont mettre 8 sièges. S'ils en ont 15, ils vont en mettre 15. C'était ça aussi. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive en plus, parce qu'évidemment, il faut être connecté, il faut avoir un téléphone portable. Donc ça, c'est bien sûr pas le cas de tout le monde. Et nous, on va pas nourrir une fracture numérique qui est déjà forte, existante. Donc voilà, si vous êtes là, et vous êtes le bienvenu, même sans inscription, on rajoutera une chaise, on en trouvera à la Cité des Pays. Il y aura toujours un banc de plus. Voilà, c'est important de le signaler, donc il ne faut pas se limiter absolument à ce qui peut être affiché sur le site internet. On y vient, on vient simplement et on va à la rencontre donc, de vous et de toutes les personnes qui seront présentes. Et on se laisse surprendre aussi par tout ce qu'on peut apprendre. Voilà, absolument. C'est un peu, vous savez, c'est se sentir un peu insecte ou oiseau, se laisser porter par le vent, par les courants ascendants. Voilà. Les rencontres d'écologie humaine, les 1er et 2 juillet. Donc, on trouvera bien sûr les adresses, la page Facebook aussi du Jardin de la Zabel. Eh bien, Isabelle, peut-être le dernier mot, tout simplement, pour annoncer et donner envie encore plus à venir ces 1er et 2 juillet prochains sur la colline de Sion. Eh bien, il y a un chouette spectacle le samedi soir pour boucler la première journée et inviter peut-être à regarder la nuit là-haut, les étoiles sur la colline de Sion avant d'aller vers la deuxième journée. Merci beaucoup Isabelle. Merci Radio Fadjet et merci Yves. À bientôt.